gros big up en tout cas. Moi, j'ai commencé avec des gens, c'était des frères pour moi. Dizda, il est là ce soir. Il y a Rico aussi, peut-être, qui nous écoute. Gros big up. Et avec eux, j'ai découvert plein de choses. Je me suis ouvert au rap. Yes. On a, franchement, on a grave avancé en fait ensemble. Et après, on a pris chacun nos chemins. Et puis voilà. Si, si. Ok. Bon, on revient en 2019 alors. Aïe, on est là en 2019, ma gueule. Donc, l'actualité, c'est la pièce. La pièce. La scène 2019, jeudi prochain. Okay. Et puis la redire jeudi prochain, on va cramer ça. Lourd, lourd. Bon. C'est l'heure fatidique. L'heure fatidique. D'ailleurs. Là, j'ai encore deux morceaux à passer. Yes. Les morceaux font respectivement 3 minutes 34 et 3 minutes 14. Putain, on va dire que t'as à peu près 6 minutes. T'as à peu près 6 minutes. Ouais, du coup, tranquille, ça décale un petit peu, mais c'est se passe pas grand-chose. Écoute, ce qu'on va faire, Zinc. Au pire, c'est quoi ? Les gens, ils ont qu'à aller regarder les clips. D'accord. Non, non, mais justement, tu vas avoir besoin de ces 6 minutes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous, on a un petit jeu, tu vois, à te proposer. Wow. Est-ce que tu écris sur téléphone ou est-ce que tu écris sur feuille? Regarde, je vais te rendre fou, j'écris sur les deux, mais t'as vraiment, regarde. Alors là, j'ai des papiers et tu regardes mon téléphone, j'ai des dossiers d'écriture, okay. J'ai les deux. Mais j'écris pas forcément ce que j'ai sur le téléphone, sur le feuille ou vice-versa. Okay. Ouais, c'est des textes différents, c'est des machins. Alors, je vais t'expliquer le jeu. C'est simple, c'est la rime facile. Je crois que t'as fait un peu ça avec la poignée de punchline. Ouais. Donc, je vais t'imposer 10 mots. Je t'impose 10 mots. Il faut plus que 6 minutes, vas-y. Donc, c'est des mots c'est que j'ai pris. C'est a cappella ou sur une prod, c'est comme t'as envie. Très bien. T'as 6 minutes, du coup, d'élaboration. En fait, là, tu passes ton bac du rap, tu vois. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Tu sais que j'ai charbonné aujourd'hui, Chao. Le bac peu. J'ai mis 800 pièces. C'est pas gros. Donc, je vais te dicter les 10 mots. Pour l'instant, j'en ai 9 et puis c'est Jounès qui donnera le 10e en fonction de l'interview. Donc, le premier mot, forcément, c'est néfaste. Le deuxième, c'est Audincourt. Le troisième, c'est mèche. J'en mèche. Le quatrième, c'est essence. Le cinquième, c'est incohérent. Le sixième, c'est Rodia. Attends. Rodia ? Là, Rodia ? Non, juste Rodia. Ah, t'es compliqué. Rodia. Le... Je sais plus où on en est où. Le septième, c'est Meda. Aïe. Gros big up à Amsterdam. Et tous ces coffee shops, d'ailleurs. Si tu nous écoutes. Le huitième, c'est Poignée. Ouais, je pouvais pas mettre Poignée de punchline. Ouais. Le neuvième, c'est Pièce. Wouah. Et le dixième... Claquette. Vas-y. Tu sauras que le dixième, c'est toujours Jeunesse qui, tu vois, toujours le meilleur pour la merci fin. Merci Jeunesse. Ça s'entend de toute façon que t'as des bonnes inspirations. c'est ça. Vu les sons que t'écoutes à l'ancienne. Non, big up. Donc ce que je vais faire, je vais passer les deux morceaux du coup que tu viens de sortir en clip là sur ta chaîne. Ça te laisse facilement 6 minutes pour nous faire la rime facile. Vas-y, on va voir. Dès que les deux morceaux sont passés, c'est à toi de faire ta rime facile. Et après, on balance le freestyle, c'est bon ? Vas-y. Ok. Show. C'est parti. Je suis ce bonhomme qui marche seul, qui parle somme, mais qui est vite saoulé. Souvent sous les pompes, destin somme à chaque bougie de soufflé. À vrai dire, en extérieur, est-ce comme on peut. Tiens, passe voir un joint de bœuf. Viens, remémorons nos voeux en vain. Et vas-y, passe un verre de vin rouge. Les yeux en mode infrarouge. La tête sur les épaules, mais l'esprit farouche. Le vécu sur les phalanges. J'ai voulu sauter de la falaise qui t'a provoqué la balance. Laisser un certain malaise. Rien de pareil, idyllique, mis à part le coma éthylique. Je repense à ce moment près d'un lac où je voulais d'être. Pas de tminique, c'est bête, l'aide était dans le but. Plus de place en plus. Cette fille ainsi imagine, mais dit sors-nous un autre opus. Depuis c'est devenu ma puce, code PIN 0407. J'ai pas trouvé d'autre astuce, toujours le shit dans ma chaussette. La rime des choses les chic au choc, quand la punch est bien chic. Quatre c'est quoi, j'arrête sombre et chic dans le château, je graille un chicken chica. Je rigole pas à ta joke, je trouve l'erreur que dans la jack. Ouais, ferme ta gueule, demande à Joe, anarchiste au faux fuck la bac. J'ai déraillé du chemin de fer. Voici mon train de vie à deux doigts de tomber dans le vide ou de faire plaisir à plein de frères. Ceci n'est qu'un freestyle. Cette putain de prod me donne des frissons. J'aime la verdure et toute la grisaille. J'entends cette voix, j'entends des crissons. Ceci n'est qu'un freestyle. Cette putain de prod me donne des frissons. J'aime la verdure et toute la grisaille. J'entends ces trois, j'entends des crissons. Je découpe la prod, c'est tout ce que je sais faire. Donne pas ton avis, en ce moment même je suis chez père. Qu'on me souhaite pas mon ami, je m'approche de la trentaine à grands pas. Crois pas que j'ai grimpé, pas de quoi me payer un écran plat. À quoi bon sert de traquer mon ennemi, c'est mon banquier. À chaque appel c'est la hantise. Le cœur froid mais le sang chaud, de quoi faire fondre toute la banquise. Je boxe à l'anglaise, on cache de trois talents glisse. J'aime que la weed hollandaise, l'ambiance des soirs de cataclysme. Tu bac, c'est mes potes qui t'ont taclé. Les accus sont trop sûrs malgré une tonne de travail bâclé. C'est les mêmes qui m'assurent, mais laisse-nous gérer ça. J'ai quitté le taf pour la musique, je touche même pas le RSA et du coup je me retrouve à l'usine. Tu crois que je me laisse aller, que je suis posé dans mon saloon, je touche même pas un salaire, j'y pense quand le bédo s'allume, je manie les mots, classé X cuni avec la langue de Molière. Tout scientifique, on casserait bien quelques molaires. Molaires. Ceci n'est qu'un freestyle. Cette putain de prod me donne des frissons. J'aime la verdure et toute la grisaille. J'entends cette voix, j'entends des crissons. Ceci n'est qu'un freestyle. Cette putain de prod me donne des frissons. J'aime la verdure et toute la grisaille. J'entends ces trois, j'entends des crissons. J'entends cette voix, j'entends des crissons. Ceci n'est qu'un freestyle. Avant la pièce, RGT à la prod. Napalm, l'émission spéciale ce soir dans la 25e. Il nous prépare la rime facile, on va balancer l'autre côté de la pièce. Yeah. Freestyle, pire ou face. Ouais, je les rappeurs. Ceci n'est qu'un freestyle de plus. T'inquiète pas, petit, n'aie pas peur. Ce son ne passera pas dans le bus. Comme d'hab, j'emmerde les bois que. Mais pas que, ouais, c'est la catastrophe. La politique prend des claques. Moi, je m'éclate, critique tout à chaque strophe. Dès le départ, je les dépasse. Je suis pas le meilleur, mais ça dépend de mon humeur, de ce qui se passe. De comment la weed se répand. Moi, je voulais clipper dans l'espace. Mais je m'as dit, gros, faut se détendre. Laisse-moi tranquille, je suis en extase. Dès que la musique se déclenche, hein? Wow! Pile ou face. De toute façon, tout ça, ça sent le roussi. Vas-y, laisse place aux sensations. Avant que les francs-maçons bousillent. Fusil chargé sur l'épaule droite. Un ange gardien sur l'épaule gauche. La gâchette aimerait que je la droite. Écartez-vous, là c'est trop haut. J'sais même sanglant, t'es fou, c'est faux. Les MC ne font que s'engueuler. J'en tremble, nan, j'fais semblant de rapper sous des barbelés. Département 25 avec moi, mes vaillants incus, soin de suivre le chemin d'un saint. Mais aucun ne savoura vaincu d'ailleurs. Les gars, ça fait quoi, ça squatte après? Ah, moi je pense que ça va bouger là. Je te le dis, ça va bouger, j'ai un petit truc à faire, 20 minutes. On se capte ce soir? Je t'appelle et puis tu descends, c'est bon? Vas-y, ça tombe bien, je suis occupé un petit peu là. Ok. Je dois passer chez le barbershop. Fernand commande voir un resto chic. J'cale un costard, une paire de chocs. Propose pas de clope, moi je reste au shit. J'suis dark, en vrai j'suis comme Jeanne. J'entends des voix qui m'obsèdent. J'fais un fuck sur une photo de charme. Merde, l'emplume devient obscène. Hein. J'avoue c'est pété, j'dirais même c'est plutôt crade. J'traîne un lourd poids, c'est comme celui d'un démocrate 3. Avant de percer, j'aimerais bien que mes démons crament 4. J'ai tout essayé, mais rien ne peut vider mon crâne. Et j'en pense que j'ai stoppé la scène. Le son dans tout son ensemble, j'ai vu la haine entre ceux qui s'aiment et l'amour se transformer en sang. De la traîtrise pour de la somme, moi je maîtrise pas l'assassin. Je vois que le temps peut à peu m'assommer. Quand je pense à ça, crois-moi, ça saigne. Pardonnez les phrases assassines, je me répète, faut que tu assimiles. J'entends, est-ce que je peux t'aider? Ferme ta gueule ou donne-moi 6000 E. Je fais rougir la NASA, ben ça, j'ai dépensé 6 milliards. J'ai pas dépensé 6 milliards, je suis juste bien foncé depuis hier, frère. Préviens les mineurs, je suis de l'époque Inter-Adriano. J'ai le même sang-froid qu'un des mineurs. J'explose quand j'entends le piano. C'est quand t'as perdu que t'es winner. Il t'oubliera ton tas d'amis. J'arrive, j'plaque tout comme Teddy Riner. J'lâche un freestyle sur un tatami. Ya, ya. On a la technique, mais pas les contacts. On fait polémique, on saute les obstacles. Ceci n'est qu'un freestyle de plus. La pièce arrive, donc allez prévenir tous vos accuses. La pièce. Beautiful, beautiful. Nice beats, DJ Cirque. Ceci n'est qu'un freestyle. On a la technique, mais pas les contacts. On fait polémique, on saute les obstacles. Ceci n'est qu'un freestyle de plus. Hey, tu m'as eu là sur celle-là en fait. Aïe. Je me souvenais pas que ça terminait comme ça en fait. Ça veut dire va pécho le projet quand il sortira. Yes. D'ailleurs, t'as une date de sortie pour ça ou pas? Non, comme je t'ai dit, franchement, au niveau, je vais pas te mentir, niveau côté finance, ça coûte aussi un projet, tu vois, de rap. Là, pour l'instant, c'est pas la priorité, mais le tout est fait, quasi. C'est okay. Plus que les finitions. Du coup, voilà, dans quelques mois, ça sort. Yes. J'espère vraiment fin d'été maximum, tu vois. La rentrée, ce serait pas mal. Ok. Bon. Aïe, aïe, aïe, tu m'as fait galérer. Parlons rime facile, on va voir si t'es un bon élève. J'avais 10 mots. J'ai pris tous tes mots, mais j'ai fait des rimes faciles. Alors, on m'a dit 12. On m'a dit 12. Ouais, mais tu en m'en fait, as c'est... donné plus, je sais même pas. En fait, c'est toi, t'as écrit deux fois essence. Voilà. Merci. Mais non, vous croyez que j'ai écrit deux fois, mais en fait, c'était déjà ma rime que j'avais déjà calculée à l'avance et j'ai écrit aisance. Ah. Donc, ce que je te propose, c'est que je fais un petit décompte, tu vois, genre 5, 4, 3, 2, 1. Tu nous balances ta rime facile. Bon, écoute, et puis, dès que c'est terminé, ben, on envoie la suite. Vas-y, ça marche. Big up à Théo 2S au passage, t'es génial. Oh, big up. 5, 4, 3, 2, 1, la rime facile de Avant, Napalm. Je m'appelais néfaste, normal, les gens. Je voyais la vie d'une vision néfaste. J'écris des faces, des rimes. J'arrivais, je débarque d'Odin, cours, incuste, t'aimes à la plume. À cette heure-ci, tout est un cours. J'ai confiance en peu de monde. Mais dans ce milieu, y'a mèche. Tu veux voir du napalm, va donc allumer la mèche. D'ici de mai jusqu'à mon B, on met le plein d'essence. J'écris des récits tout partout. Crois-moi, j'ai tant d'aisance. Mais je fais des couplets incohérents. Mais maintenant tout, j'avance comme un gars intolérant. Et j'ai besoin de m'aérer. On passe à la radio, à la rodia. On tape des gros week-ends à Meuda. On emmerde les douaniers. Tu connais pas, va voir la poignée. Je balance la pièce. Je fais pas des claquettes. Bientôt, je sors un album sur une cassette. Si. C'est compliqué quand même de se dépêcher comme ça. On n'a pas l'habitude. Tu vas avoir le temps de freestyler. Tu vas avoir le temps de freestyler, t'inquiète. On n'a pas le même. C'est parti ou quoi? T'es chaud ou quoi? Ok. Vous connaissez ce mec ou quoi? Pour commencer, je vais vous présenter un gars. Ok? Je sais pas si vous le connaissez. Yo. Ok. Il voulait la thune, freestyle et l'automne. Sans autotune, il restait autonome. Il avait cette plume bloquée dans le conteneur. Légendaire, un grand supporter de Tottenham. Il a pris ta team, il est parti t'attendre. En haut d'un parking, il a braqué ta tempe. Il t'a mis tapis car ta tante tapine. Pour lui, tu devras faire toutes sortes de propagande. On l'appelait le dingue, il flingue les gens heureux. Il avait incarcéré comme dangereux. Il avait tout vu, tout pris dans le peura. Il pensait pas aux inconvénients dans ce jeu. Il avait pourtant eu de nombreux choix. Il aurait même pu finir dans le son. Mais ce chien ne graille pas de langue de chat. Il voulait Omar Caviar en toute saison. Gros Gamos, Audi, flambant neuf. 19 piges, il serrait quelques mille. Je l'ai toujours vu insultant un keuf. En le regardant tout en roulant son spliff. Un beau jour, il a tapé de la cam. Il m'a dit c'est comme ça qu'on met la gomme. J'ai observé son nez qui a aspiré un gramme. Il s'est relevé et puis m'a dit c'est de la bonne. C'est là que j'ai compris que tout était dead. Je peux pas faire plus, tout a été dit. Nous on est là à se rouler des pêtes. Lui sous coke veut tatouer des filles. Mais bon je m'en tape, c'était pas mon pote. Juste un rappeur qui cherchait sa place. Il jouait du piano sans fausse note. Grand respect, ne crois pas que ça le clash. Le reconnais-tu? Le reconnaissez-vous? Napalm. L'as-tu déjà vu? L'as-tu déjà vu? La 25ème. Était-il avec vous? Yes. Chou. Change-moi la prod. Bah. Tu peux m'augmenter un peu le son s'il te plaît dans le casque? C'est parti mon gars, t'inquiète pas. Un peu plus encore s'il te plaît. Parce que j'entends vraiment pas beaucoup. Oh. Je vais me présenter les gars. On sort des textes à l'ancienne et des textes récents. Napalm. Où est mon sueur avec crocofluorescent? Hein? Et quel fantôme? Tu peux me la remettre, s'il te plaît, mon gros? Yo, appelle-moi Nef, et quel fantôme? Vas-y, laisse-la défiler, c'est bon. Yo, pour okay. Ça directement. Napalm. Hein? Ok, on va faire simple et efficace. La pièce, ça arrive. Big up à tous mes incus qui écoutent ça. Oh. Ok. Moi c'est Napal, mais qui est le fantôme? Parlez pas de fantasme, face à mon état de santé, faudrait arrêter le fanta. Aucun rap enfantin, appelle-moi croche-patte, imagine que j'en plante un pour éviter qu'un proche parte. Appelle-moi gauche-droite, toujours les mêmes prisons. Tease mes fistons, essaye d'esquiver la prison. En crise depuis 13 ans, le rap est un trésor. Frère, appelle-moi le présent, je gratte mes fermes et les stores. Je craque mes pertes et j'explore toutes les rues d'Amsterdam. Sans appeler d'escorte, appelle-moi frère d'armes. Le bif assomme rien, nala ça sème là. Chercher la somme, pas seulement sur la scène. Mais je cerne certaines situations et je m'habitue à ça. Appelle-moi fascination, machination, ça rime à ça. En manque de gravitation, faudrait qu'on me ravitaille. Appelle-moi méditation, juste avant que ça mitraille. Wow, ne m'appelle pas si t'as un coup de blues. Ne fais pas genre, on sait que le temps passe. Peut-être qu'il ne faudra qu'un coup de pouce. Mais en un instant, tant de gens se lassent. Appelle-moi soldat, je le dis clairement. J'ai pas qu'un famas dans la trachée. J'suis trop déter comme le frère Hernan. Tellement de haine de blême à cracher. Appelle-moi braquage, macabre, vocal. Pendant que c'est égal à cabre, j'm'acharne au calme. Un délire morbide, appelle-moi Rick Grims, j'rime grave. Vu que c'est chelou, appelle-moi Gremlin. Slim fast, un joint pur pour m'évader. Celle-là hurle pour mes fadas devant le mur, tout dégradé. Appelle-moi Restez, le contraire d'une resta. On reste vrai, un coup de pelle à ceux qui creusent pas. Balance la pro, ciao. Aïe, chaud, chaud, chaud, chaud. Big up. Session freestyle Napal, mais il est chaud. Les jeunes veulent du trap, hein. Hein. Napal. Va voir ailleurs, je suis pas narcissique. Que je me balade en nature, je pousse la poussette. Mon gamin se croirait dans Taxi 6. Je cabre, il rigole quand je pile d'un coup sec. L'important ce n'est pas qu'on participe. T'es fou, faut la gagner, la hargne en fait. Je suis pas le meilleur donc j'anticipe. Si ça part en couille, je me change en spectre. Le spectacle est beau, les gens s'agitent vite. Dès que le DJ coupe le son en scred. Avant de monter sur scène, shoot de white spirit. Trop d'investissements qui se changent en cred. Quand je les écoute, c'est le lac des signes. Du pipo, CM, s'ils sont que des pipelettes. Les bonhommes dans ce milieu sont rarissimes. Beaucoup de pédales mais peu de bicyclettes. Je suis l'œil de Sauron, l'œil du cyclope. Et à vrai dire je n'ai rien de contemporain. Je suis content pour rien, nage à contre-courant. Couronnez-moi dès que j'arrive à Santorin. Les accus m'ont dit vas-y mets-les à terre. Ils savent très bien que les diamants m'attirent. Ça me fout le seum que l'homme détruit la terre. Je connais la drogue douce, elle le vol à la tire. Barrez-vous, je veux pas le carré VIP. Je vois les grossistes me caresser. Mais je dois penser à passer mon permis cariste. Pendant que Boubacaris commence à stresser. Ça recommence bloqué dans ma capsule. Ce morceau est bien loin d'être un classique. Allez même demander à la cellule à l'avenue de ma mort. J'aimerais l'euthanasique. Ouais ça recommence, les vrais se reconnaissent. J'suis du genre à flairer les connasses. J'fais tout pour protéger les coronesses. J'viens pas si les bails sont dégueulasses. Plus d'une corde à mon arc. J'lâche la flèche comme l'air fait les golasses. Rien ne concorde dans mon rap. J'marche avec la patience et l'audace. J'suis dans mon délire. Fanatique de Bel Air, je fais rien pour m'embellir. Je me prends pour le prince de Bel Air. J'aimerais bien qu'on me délivre, que mes idées prennent l'air. Donc je me plonge dans des livres au lieu d'y percuter en pleine lèvre. Change la pote. Yo yo, est-ce qu'on est là sur Radio Sud? Gros big up à la 25ème. Gros big up à Chao, à Junes. Ça kick. Mais chez tous les incus qui sont hall. Ça kick. Ok. Eh ouais, leur page, on est tous un peu somnambules, ma gueule. Eh ouais, noctambule, hein. Ok, yo. Noctambule, je regarde l'horloge. Le temps défile, je me demande où est-ce que l'horloge est-il que dans les films. Des potos qui sont morts jeunes, mes souvenirs sont pas tous beaux. Ma piraterie fait qu'on n'a pas le même commandant Cousteau. Tu veux du buzz, viens au cœur de la street. Où les sentiments sont plus profonds que du saut à l'élastique, hein. On prend de l'âge, les pensées un peu lèches. L'impression de prendre le large quand on aperçoit un peu de neige. Les années passent, voire rien passer, les morceaux s'enchaînent. Je m'en sens dépassé à l'idée de vivre sans scène. Y'en a tellement que j'aimerais clasher. Depuis la nuit des temps, je suis comme ce mari fâché, le doigt sur la détente. Mais bon, avoir le temps c'est tout bénef. Demande à SDF, hein. Ma gueule, est-ce qu'on est là à Radio Sud? Oh ok, change l'approche, ciao. Aïe aïe aïe, on vous fait un petit medley ce soir. Ok, ça va kicker sec, on n'a pas trop le temps. Hein, laisse-moi. Laisse-moi. J'ai pas le temps de te parler en vrai. C'est que t'aimes les pros parfois me font partir en vrille. C'est pas souvent que le champagne est au frais. Je squatte pas n'importe où. RN m'attire en ville. Wow, enfermé dans ma tanière. Seuls les vrais potes ont les clés de l'appart. La feuille de canard est sur la bannière. J'aime la récolte que la weed de ma porte. Tous tes les portes. Non, non, non, non, non, non, non, t'es fou quoi. Chaud. Envoie sur ma gueule. Chaud. Chaud. J'ai pas le temps de te parler en vrai. Certains bien pros parfois me font partir en vrille. C'est pas souvent que le champagne est au frais. Je squatte pas n'importe où et rien ne m'attire en ville. Enfermé dans ma tanière. Seuls les vrais potes ont les clés de l'appart. La fée de cana est sur la bannière. J'aime la récolte que la weed de ma porte. Tous les portes, je vais coupler les portes. On a passé le pire, l'attention était forte. Pour ma part j'ai sombré dans les notes. Et malgré mon vivant je crois rien qu'elle est morte. Être en prison n'est pas une réussite. Range ta fierté et demande pardon. Perso je préfère dormir dans une suite et puis faire de la zik. Ne choque pas les darons. Mon unique passion est de monter sur scène. Partager ce moment avec d'autres artistes. Je viens pas de Marseille ou de Vitry sur scène. Je brise des vitres sur scène. Je ne prends aucun disque. DJ, DJ One, DJ, DJ One, DJ, DJ One, DJ. Tout le monde se parle et beaucoup font la guerre. Je suis désolé, j'ai tant de choses à dire. Je tourne dans le sens inverse de la terre. Le bizarre m'attire, trop sombre des fois, je me sens parano. Partout je vois les bacs, c'est tricard normal en coupé 4 anneaux. On vient consommer de la peu. Merde, moi, c'est quoi le style? C'est pas mon flow, c'est pas dans la tendance. J'utilise les mots avec abondance et j'ai quitté la terre. Elle mérite ton style. Laisse-moi quitter la vie. Dis-le-moi si je suis trop égoïste. Sachant que je fais tout pour ne pas l'être. Écarter le paraître, écouter les choristes. Un dictionnaire dans la sacoche, dans le rap. Et des pareils que je vais pas parler de ça, j'ai la haine. J'ai des bites, des rimes parce que je débute. Plein de victimes qu'on fait tant d'études. Moi c'est la street qui a fait mon vécu. C'est mon public qui fait ma sécu. Laisse-moi gérer ma vie. Dis-le-moi si je suis trop égoïste. Est-ce qu'on est la radio du sud? Aïe. Change-moi cette prod. Et les wesh, les gars. Wesh les gars du boom bap. C'est bizarre. Hein les gars, bizarre, du boom bap. On est chaud. Ok. Yo. Mais qu'est-ce qu'il nouveau projet, go trip comme d'habitude, c'était la chrysanthème. Le rap est mort, je viens t'offrir un bouquet de chrysanthème. J'envoie des récits précis, tous sont quasiment ternes. Je me fous que t'apprécies, merci Kouz, mais on méprise l'antenne. On parle de big deal, désorienté, ouais l'âge. Moi qui rêvais d'une petite île, dans ma 2D c'est Bagdad. Entre dans mon monde, viens découvrir toutes les facettes. Paraît-il que j'ai la dalle, mais je ne suis pas dans mon assiette. Balance la pièce, on va voir si c'est pile ou face. Aucun délit de faciès, y'a que l'affaire de qui nous fasse. J'attends pas qu'on me fascine, je m'en fous tant que je fais des scène. Avoue que la prod assassine ma plume en fait des siennes. J'kick pour moi c'est facile, j'essaie de mettre les bails sales. Et pour buzzer j'offre une articulation faciale. J'suis pas un rappeur, j'suis pas un poète. Juste un kicker à toute heure avec un spliff, une taille de mots. C'est pour mes blancs méga pommades qu'on j'ai pris un coup au pommette. Les vrais qui passent pas de pommades sont dans le vice mais qui restent honnêtes. Et dis-moi qui tu vas me menacer. J'écrivais déjà, t'apprenais à faire tes lacets. Eh, on n'est pas de ceux qui tapent dans l'acé. On n'a pas le même son, mes rimes vont vous enlacer. A vrai dire, y'en a assez des défaites, j'en ai amassé. Je veux bien le concert à Annemasse, s'il y a des billets à ramasser. Est-ce qu'on est là sur Radio Sud? Big up la 25ème. Oh, ouais. Gros big up la 25ème. Exclu du projet, les incus, paraît-il. Hein? Grosse exclu là pour vous ce soir. Ya. Paraît-il que souvent tout seul les écrits sont tenaces. Paraît-il que j'attire dans les cités de France. Ouais j'ai le seum, ne crois pas que je te menace. C'est pile ou c'est face, dis-moi ceux qui t'offensent. J'fonce tête baissée, j'suis que de passage. Quitte à les blesser, laissez-moi passer. Paraît-il que je suis un bon gars mais que je suis pas sage. Car la plaque était bien matelassée. J'en ai assez, c'est vos baratins. Paraît-il que je prends le mic pour un bel état. Fuck la politique et tout le gratin. Paraît-il que seule la mort m'arrêtera. Il me faut un pilon d'herbe. Remplis-moi le bidon d'essence. On a trop fait pleurer nos mères à partir dans tous les sens. Tellement de choses que je regrette. Paraît-il que des fois je suis hypocrite. Mais crois-moi mon public me fait renaître. Petit à petit je quitte l'ego trip. Tu ne sais pas ce que je peux commettre. Quand on rappe si cela sort de nos tripes. Paraît-il que tu dois bien me connaître. Tu ne t'attendais pas à ce que je fasse un gros hit. Paraît-il que j'emmerde Paris Hilton. Que je rappe dès qu'il pleut. Que j'ai le flow Lewis Hamilton. Wow. Paraît-il que j'esquive ce qui m'étonne. Que je rappe depuis petit peu. C'est vraiment ça qui m'étonne. Même ma daronne m'a dit paraît-il. Ma femme et mon gars m'ont dit paraît-il. Même mon patron m'a dit paraît-il. Tous mes incus m'ont dit paraît-il. La braque et la sup m'ont dit paraît-il. Mes anciens profs m'ont dit paraît-il. Le frérot NZ m'a dit paraît-il. Même DJ One m'a dit paraît-il. Les exclus, c'est pas trop longtemps. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, morceau final, je remercie la 25e, tous mes incus. On est ensemble. Ok. Pardonnez-moi si la prose assassine. Bientôt j'offrirai une rose à l'assassin. Fais gaffe, un keuf peut espionner ta cime. Prépare la tassie, moi je viens brûler la scène. On veut la somme, loin est le sommet. Ce putain de rap n'a plus rien de passionnant. Le Teshi m'assomme, mais t'as trouvé le sommeil. Dans un patio, j'écris ce morceau insolent. L'insolution, insolent, insolite, insolvable, insoliste en mode rapidité. J'ai marché mon cœur et mon métabolisme, insultant la police avec agilité. Tu sais, mon fils, c'est pas Vesky le fisc qui te fera acquérir de l'habilité. J'aime pas ceux qui disent que c'est fini le disque. Qu'il n'y a rien d'ambitieux à militer. C'est pile ou c'est face. En joue démon, je me fous de savoir si le projet est dément. Touche un cheveu de mon enfant et je te démonte. La haine est en moi, ça en devient gênant. J'ai le trac quand je pense au générique de fin. Quand mon cercueil va caresser le fond, j'ai pas le temps de vous kicker de refrain. Je revois ma mère en train de m'embrasser le front et j'y pense. J'y pense. Radio Sud, on est là ce soir. Bang, bang. Gros big up, Chao, Junes, Rizzo, tous mes incus. Yo. Ok. Ah. J'ai l'esprit tiraillé entre l'art et la tyrannie. Merci à ceux qui m'ont dit t'inquiète pas, t'iras loin. On a envoyé un drone en haut de la pyramide. Plus on s'y approche, en vrai plus on nous verra moins. Ça fait longtemps que j'ai pas tapé de grâce. Ma foi pour autant que j'ai pété le classe. Ah, l'impression de bosser en déplacement. Souvent le seum quand j'allume l'écran plasma. Merci au public, ceux qui m'ont donné de la force. Ceux qui étaient présents, ceux-là même après la perte. Qui m'ont même soutenu dans les moments atroces. Quand je voyais ma vie défiler en sens inverse. Mais là, j'ai plus le temps, mon petit me réclame. Je pense à tout lâcher, ça devient stressant. Mais bon, si je le fais, je me rétame. M'ayant tout gâché depuis mes 13 ans, je me remets en doute et je me questionne. Dois-je écouter mon cœur ou ma raison? Je sais qu'il y a la Banque de France qui m'espionne, se demande si je vais bâtir ma maison. L'impression que chaque venon me sectionne quand je les vois mater ma section. Je suis pas ce rappeur qu'on m'affectionne, car comme d'hab, je remets tout en question. Big up. On passe à la radio, à la roja. On passe à la radio, à la roja. On passe à la radio, à la roja. On passe à la radio, à la roja. On passe à la radio, à la roja. On passe à la radio, à la roja. On passe à la radio, à la roja. Big up. Big up à tous. Aïe. Le projet La Pièce arrive bientôt courant 2019. Un gros big up à Chao, à Junes, à Rizzo, à Radio Sud. A tous mes accus qu'on fait le déplacement, NZ, Hernan, Dizda, DJ One, Monsieur Tibbs, Renaud, le poteau Bachir. Aïe. Tous ceux qui sont là ce soir aussi, gros big up à vous et tous ceux qui écoutent. Aïe, Lou. Si, si, mon gars, si, si. C'était Napalm dans les studios de Radio Sud, 101.8, radiosud.net. Merci les frérots, merci lourd la session freestyle. Merci là, lourd, à vous de nous avoir accueillis, franchement ça fait plaisir de ouf. Pour ceux qui sont à Besançon, la semaine prochaine, jeudi, il sera sur scène à la Rodia, donc n'hésitez pas. On va tout cramer, on a prévu plein de surprises, vous allez voir. Yes. Ça va être lourd. Yes. Donc ne partez pas, là il y a Rizzo qui va reprendre l'antenne. Aïe. Donc je pense qu'on va faire un switch directement, je pense que tu vas venir directement prendre l'antenne. Et Rizzo qui sera sur le projet La Pièce. Et voilà. Tout se recoupe, tu vois. Les liens se font. Si, si. On fait une mini pause le temps que Rizzo s'installe. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous pouvez rester là, hein, les gars. Là, vous êtes chez vous, hein, les mecs. Hein. Radio Sud. Radio Sud. Radio Sud. Je cours après les sous, je suis absent. Plus tard, je pourrais crever l'abcès. Après les sous, je suis absent. Plus tard, je pourrais crever l'abcès. Ils sont mon casque, il fait la trace blanche. Je vais venir faire les fous après. Bang. Yeah, la 25e, on est toujours là. Donc c'était la soirée Napalm ce soir. Ils sont toujours avec nous dans les studios. Il y avait la chronique à Jojo, la chronique de Jojo. Ça va ou quoi mon gars? Ça va et toi mon gros? Ben on est là hein, comme d'hab hein. Big up à ma mère. Encore un bon jeudi. Si. Donc je suis désolé parce que du coup on a commencé avec un peu de retard. Non mais coup, super lourd, gros big up. Gros big up aux frères Napalm. Parce que le projet va être solide, le freestyle a été solide, ça fait plaisir, bonne émission, ça fait plaisir pour le refrain. Mais déjà, je tenais à dire, ça fait plaisir qu'il y ait une émission comme ça dans le coin. Franchement, vous avez géré les gars, parce qu'il fallait que ça bouge un petit peu aussi. Et vous avez fait vraiment bien le truc. Yes. C'est lourd. Bah, merci à Radio Sud de nous permettre d'avoir une émission les jeudis. On est là, normal. Donc ce soir, dans la petite chronique à Jojo, on va parler simplement du festival Plan B. Festival Plan B qui aura lieu donc à Saint-Denis le 28, 29, 30 juin yes. 2019. Donc, festival que j'ai beaucoup à cœur en étant un peu son papa avec mon frère Obastos. Yes. Sébastien Dacruz, mon frère du 93, et avec une équipe derrière sans laquelle on ne pourrait pas chaque année gérer comme on gère. Ça s'est super bien passé l'année dernière. C'était lourd l'année dernière. Hein. Ouais, l'année dernière, c'était cool. Franchement, on a kiffé. C'était du taf parce que bon, voilà, on brasse toujours un maximum d'artistes, tu vois. Mm-hmm. On essaie de donner la parole au plus de personnes possible, tu vois, à chaque fois. Donc, c'est du job, mais bon, c'est vrai qu'on était contents. Et cette année, ouais, on est reparti sur une programmation qui, je pense, ça sera pas mal aussi. T'auras TK, t'auras Ultimatum, t'auras Swift God. Aïe. T'auras Mekong Soul, t'auras ce genre d'équipe, ce genre de belle équipe. Et voilà, t'as vraiment des gens de partout en fait. T'auras même des gens de Belgique, t'as des gens de Suisse. Et voilà quoi, chaque année, l'après-midi, comme d'habitude, il y aura des trucs pour les tipeux. Parce que bon, on tend tout le temps à faire que le festival, il soit voilà quoi, familial by familial, comme le hip-hop, il était à la base. Donc l'après-midi, il y aura des trucs pour les tipeux. Donc cette année, en plus, on a un gros château gonflable. Yes. Donc c'est pas la peine de faire les yes, gamins. Non, je laisse des messages. Je laisse chauffer. C'est quoi la 13? Tu n'es pas invité. Les gamins. Tu n'es pas invité. Je laisse les cheveux bouillants. Je pose un jour, j'arrive. Pas les gros bébés. De faire du ventre rebondissant. Les bébés bien portants ne sont pas admis à l'intérieur du complexe. Non, voilà, il y aura aussi des. Comme toujours, donc il y aura divers stands où les types pourront faire ils pourront faire des casquettes customisées. Il y aura un stand console à l'ancienne où il y aura des vieilles consoles qu'on avait quand on était types, pour que les types connaissent un petit peu les jeux qu'on avait à l'époque, les trucs plus simples, moins dark. Et voilà, quoi, en général, donc ça risque encore d'être un beau festival. Enfin, on l'espère, et puis on fera tout pour ça. Est-ce que c'est payant? Non. Ok. Tout est gratuit ou... Non, en fait, c'est cette année, on va faire prix libre. Le stand Rome, il est gratuit ou pas? C'est deux balles. C'est un peu comme un pack, il y aura des bouteilles planquées ici et là. Okay. Non, ça sera prix libre. C'est, les gens, ils viennent, ils estiment, ils mettent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de prépayant, c'est ouvert à tout le monde. L'après-midi, ça sera plus familial. Les concerts, ils commencent à 15h. Et après, voilà, il y aura une sélection d'artistes jusqu'au soir, jusqu'à à peu près 1h du matin. Et après, dimanche, on finit juste un petit peu plus tôt. Yes. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais demander par rapport à ça, Rizzo? C'est comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à faire des festivals comme ça ici, merde? Parce que... Avec Bastos, à l'époque, on a vraiment pris ça sur nos côtes, quoi, en fait. Mm-hmm. On n'a pas... Parce que je pense qu'aujourd'hui, les collectivités, elles sont, on ne va pas dire elles ne sont pas là, mais c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des fonds, d'avoir même des places pour des festivals de cette importance. Mmh. Après, on peut essayer, mais je pense que les démarches prendront plus de temps que se dire, bon, ben, on va se mettre, bon, vas-y, il y a une idée qui part, bon, on se met à 6-7 têtes, on regarde ce que ça donne. Khalis par-ci par-là, et puis voilà, on met en gros, puis petit à petit, ça prend du poids. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, la mairie de Saint-Denis, elle nous alloue quand même tout ce qui est les chapiteaux, les barrières, les trucs. Bon, c'est rien. Mais en attendant, ouais, c'est ce qui forme quand même ton festival. Tu vois ce que je veux dire? Rien que quand tu as les gros chapiteaux, les gros trucs, tu peux faire tes stands bien prédéfinis. Voilà, il y a ça aussi, tu vois. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre sur les petits frères qui sont motivés à faire un truc. Moi, ce que je leur dirais, c'est faites vous-même. N'attendez pas que les petits frères, ils n'attendent pas. Ouais, est-ce que là, ça va ralisser un petit peu? Est-ce que ça va donner un peu d'argent là? Un peu d'argent là? Il ne faut pas attendre. S'ils ont les moyens de faire le truc eux-mêmes et de faire naître un truc d'eux-mêmes, que ça soit dans la musique, que ça soit dans organiser des concerts ou n'importe quoi, ben qu'ils le fassent sur leurs côtes. Ça pèse un peu plus, mais après, au final, les côtes, elles sont plus solides. Yes. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ici, par exemple? Parce que si tu veux, à l'époque, en fait, comment il y avait... Basto, c'est un mec d'où, lui? C'est un mec du 93, okay. De Saint-Denis. Et en fait, si tu veux, tout simplement, pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait une annulation de concert, si tu veux, qui allait regrouper plein de gens. Il y avait des gens qui étaient venus de Belgique, de Suisse, du Sud. Et en fait, ils se sont retrouvés sur Paris avec une annulation de festival. Et nous, simplement, je me suis dit, ouais, c'est con. Plan B. Je me suis dit, c'est con qu'il y ait autant de personnes comme ça sur Paname, tu vois, qui sont montées écouter de la ZIC. Ça veut dire, il y a un public, tu vois ce que je veux dire, des gens de partout. Et tu te dis, ben, vas-y, on va voir ce qu'on peut faire. Et en 5-6 heures, vas-y, ça a appelé les potos, ça a appelé Bastos, j'ai appelé Despitac, ah ben, vas-y, il appelle Babali, ah ben, il y a un truc au quartier à Denisin, un truc qu'on peut faire, vas-y, on peut faire un truc, vas-y, pap, 2-3 contacts, tu connais des gens, t'appelles des artistes, les artistes, ils répondent favorable direct. Et voilà quoi, c'est vraiment le fil en aiguille du bon hip-hop, ce que j'appelle le bon hip-hop, tu vois, pas ce truc de clash, non, une solidarité qui se forme en 6-7 heures, ça donne un petit festival. Il n'y avait pas trop de moyens, hein. C'était t'avais deux enceintes, gros, t'avais un micro branché sur une enceinte, ça sortait en façade dans un truc, on avait ralissé pour aller acheter des merguez du bordel, histoire de faire des trucs, voilà, mais le regroupement que ça a formé, que ça a fait, ce jour-là, les joueurs ont passé une putain de bonne journée. Et en fait, à la base du plan B, il y a 6 ans, c'est à cause de ça. C'était pour remplacer un festival qui n'avait pas eu lieu. Ok. C'est un vrai plan B. Hein. Un vrai plan B, voilà, exactement. Plan B, voilà. Et les gens, ils étaient contents. T'avais des gens de Belgique, t'avais des gens de Suisse, t'avais des gens du Sud, t'avais des gens de tout part qui étaient témoins. Et en fait, on leur a trouvé un plan B. C'est exactement le bail. En fait. C'est une bonne programmation, tu vois, aussi. Tu vois. Mais je vais mettre le pied dans la soupe. C'est pas une expression, c'est pas vrai. Mets un nichon. Je vais mettre un zeste dans la soupe. Un zeste soupe. Non, ce genre de truc là à Besançon, c'est pas possible en vrai. Pourquoi? Un truc non mais c'est vrai. Est-ce que tu te vois par exemple à Besançon, tac, on va tous à la Rodia jeudi, puis bam, y a rien, ça va être très compliqué de réorganiser un truc, non? Après je vais pas dire un peu d'organisation, mais bon, ça sera pas du plein air, mais avec un peu d'organisation, la Rodia aujourd'hui, elle nous a montré avec les années qu'elle a été ouverte à des organisations. Nous puristes, je parle pour nous puristes, on a organisé plus de 2 plateaux à la Rodia en collaboration avec eux. Ça s'est super bien passé. On avait la salle, la 350 places. À l'époque, franchement, on a kiffé. On a fait venir du monde de toute la France. Après, c'est plus des plateaux-concerts qu'un festival. Tu vois, c'est un concert un soir. Mais je pense que la Rodia, je pense pas qu'elle soit fermée à l'heure qu'il est à peut-être avoir une discussion sur un festival, voire après faudra en discuter avec eux. Mais ils nous ont montré quand même durant les années que voilà, on a fait des trucs, c'était mortel quoi avec eux. Franchement, tu vois. Okay. Bah tiens, du coup je rebondis parce que du coup rien que tu rebondis. Toi, je dis ça, je te regarde, mais je m'arrête là, tu vois. On parlait de Saint-Denis, on a parlé de Bezac. Je voulais savoir du côté de d'Audincourt, Montbé, ouais. Belfort. C'est la mort totale. Après, moi, il y a. Non, mais je ne vais pas trancher. Voilà, merci. Écoute, je ne vais pas te mentir. Moi, il n'y a qu'une équipe qui fait un peu les choses là-bas. C'est la Lesbeth Music. Ok. C'est, donc, c'est des gars de la ZUP. La ZUP de Montbéliard, il y a CBR, il y a Kamel. Et voilà, il y a plein de monde un peu rattaché à tout ça. C'est une association qui à la fois fait des open mic, fait plein de choses autour, autour du hip-hop, autour de l'art de rue en général, que ce soit la danse, même artiste comique et tout. Et du coup, moi, j'ai travaillé un projet aussi avec eux quand j'étais néfaste. Et sérieux, j'ai kiffé, tu vois, c'est des gens vraiment qui travaillent vraiment la musique. Et gros big up d'ailleurs à Kelma, à CDBS, CBR. Ah ouais. CDBS, on l'accueille Alif. Bientôt aussi, CDBS. Ouais. Eh ben, gros big up à eux et voilà, grande force à eux en tout cas. Si, si. RTZ, donc, si je dois résumer, c'est 28, 29, 30 juin. 30 juin. À Saint-Denis. Saint-Denis, où exactement? L'adresse, elle sera, c'est métro, c'est rue des Cerisiers. C'est au 63, comme l'année dernière, okay. Au 63, sur le terrain vert, au milieu des bureaux vides. Le même spot, avec la même équipe, la même bonne humeur, des artistes différents. On a renouvelé un petit peu, on en a remis aussi l'année dernière parce qu'il y a eu des coups de cœur. Mais on a essayé de renouveler la liste. Il y aura un peu de tout, il y aura aussi du reggae, il y aura de la chanson, il y aura un peu de tout. Yes. Donc rendez-vous plan B. Rendez-vous plan B. Avec grand plaisir, hein. Vous êtes le bienvenu, enfin, ça va sans le dire. Ah, mais moi je vais monter, moi j'y vais, moi. Donc si jamais il y a des gens qui savent pas qui. Ça va sans le dire, hein. Vous êtes bienvenu. C'est quoi la date? 28, 29, 30 juin. 30 juin. À Paris, Saint-Denis, il y aura l'adresse de toute façon qui sera. Moi je vais venir faire du toboggan. Tu parles du toboggan. Ouais. Si vous me cherchez, j'ai pris un gars de la sécu géant pour toi pour t'éloigner du château Gonflin. C'est un truc, un morceau de nerf, tu vois, comme noir fluo, noir bleu, comme ça, tu sais, comme ça, rien que pour toi. Frère, autrement, il n'y a pas de sécu, c'est juste pour toi. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, je parle plus de la chronique, là, mais Rizzo, ça en est où, Rizzo? On va me poser, je savais, les questions, En fait, on te l'avait pas dit, mais on t'a préparé une émission là. La 25e. La 25e. Problème. Minuit, 6h. Non, du coup, avant de rendre l'antenne, est-ce qu'il y a des projets là, solo, en équipe Là, on a l'album de Puris qui est en cours, donc il est fini d'enregistrer. On est en train de taffer sur le... Donc il y a Benalla qui est sorti, Benalla qui est disponible sur YouTube. Un gros big up à mon ref Guillaume. Oh. C'est lui qui a fait le clip, donc un gros big up à lui. Pose en paix mon ref. Et sinon, il y a Benalla donc, voilà, qui est sorti. L'album Puriste, il est prêt. Il y a la pochette qui va arriver. Et donc là, d'ici je ne vais pas dire de date, mais on est vraiment sur la fin. Pour les clips, on va voir un peu, mais voilà, on est vraiment sur la fin. Moi, au niveau personnel, ouais, j'ai des sons à gauche, mais là, je suis plus parti dans un bail. En ce moment, je suis dans des bails de plaquettes pour faire de la doublure de voix film. Okay. Ah ouais, okay. Donc, je suis à droite, à gauche, dans divers petits trucs qui, j'espère, verront le jour bientôt. Donc, j'en parle pas trop, mais ouais, ça va quoi. Bien. Donc, je vois bien faire la voix de. Je suis plus là-dedans. Après, j'ai des morceaux à gauche au niveau solo. J'ai des morceaux à gauche. J'ai des projets en stand-by, mais ouais, voilà, je suis. En ce moment, je suis en mission dans notre contrée. Ça m'a Pikachu. Je lutte. Non, voilà, frère. Donc Jojo, il va bien, quoi. Sinon. Ah ouais, mais là, tu disais Pikachu, mais là, c'est Pikachu vénère, là. Vraiment. Là, c'est le Pikachu qui a pris. Il a Pikachu Venom. Ouais. Il a évolué. Non, en plus, tu fais plus trop de coups de sang sur les réseaux. Là, t'es calme un peu. Je suis calme, mais c'est Ramadan, gros. Ah, ok. Ouais. Voilà, c'est bon, merci. Je ne vais pas dire des gros mots toute la journée. Non, bon, en vrai, pour revenir à la chronique de Jojo, du coup, Festival Plan B, 28, 29, 30 juin. 30 juin, voilà, à Saint-Denis. Voilà. Dans le 93, pour ceux qui ne situent pas. C'est pas Saint-Denis à côté de Besançon. Hein. C'est pas faire Saint-Denis de la Réunion non plus. Voilà, aussi. Toujours moins loin, voilà. Toujours plus voilà. Près. Et voilà, donc on se retrouve tous là-bas, la famille. Se voit. Et puis, bah, c'était la chronique de Jojo. On se retrouve le mois prochain. J'étais même pas avec, fait. Je pense, un petit débat. Un petit débat. Plaisir à nos auditeurs. Oui, ils aiment ça. En plus, j'ai une équipe qui se forme là bientôt. Là, attendez, une équipe de chroniqueurs. Hanouna va te coucher. Allez, bonne soirée à tous les auditeurs. C'était la petite chronique de Jojo. Mais sur Radio Sud Besançon. On va te faire un jingle pour la prochaine fois. Là. Ouais, j'ai des idées en tête. Là, j'ai des idées. Grave. La pub de Perrier 84, je veux le même sample. Ok, bouge pas. C'est noté. C'est noté. Ok, c'était la 25e. Bon, il est 23h44. On a un petit peu d'avance, mais on a des photos à faire. Mais on je vais rapper pendant. Ah oui, il y avait minutes, le freestyle de Jeunesse. J'avais oublié. Vas-y, balance. Hey, yo, maman. Poum. Yo. Ok. Poum, poum, tcha. Ok, ok. Tcha. Un. Poum, poum, tcha. Ok. Poum, tcha. Ok. Poum, poum, tcha. Écoute bien. Poum, tcha. Écoute. Poum, poum, tcha. T'entends pas? Poum, tcha. Yo. Poum, poum, tcha. Écoute bien. Ouais. On écoute ça. Écoute bien. Voilà, c'était le freestyle de Jeunesse. Faites du bruit pour Jeunesse. Ce genre de boucle, tu vois. Jeunesse au mic. Ouais, retrouvez-moi jeudi à la Rodière. Retrouvez-le en 8 à la patinoire de Milan. Ok, ouais, pour les rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain à la Rodière, il y a le concert de Jazzy Baz et Davodka. Première partie, Napalm qui était avec nous. Donc gros big up, j'espère que tu vas tout péter là-bas, ce serait vraiment bien, tu vois. Et puis ben sinon pour nos auditeurs de Radio Sud, demain matin de 7h à 9h, c'est Abdel, notre ami Abdel qui ouvre la journée. Donc big up à Abdel et big up à nos auditeurs. Bonne soirée, n'hésitez pas à réagir sur Instagram, tout ce que vous voulez. Voilà, on est là. Bon ben, t'as quelque chose à dire avant de partir? Non. T'es génial. Allez, au revoir. Chaleureuse, d'expérience sadique, de plaisir maléfique, de tétons mordillés, de cambrure et de volupté, pratique sans complexe du sexe, de jambes entrelacées, respiration coordonnée, d'orgie clandestine, d'abstinence brisée, de chair chaude et douce, Vanessa, dans ta bouche mon pouce. Jouissance primaire, jouissance secondaire, tertiaire, quaternaire, ah, je veux une rate. Une meuf, mais je veux une tasse. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je veux une tasse. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Vanessa. Radio Sud. Ay, amor, me duele tanto, me duele. Artisans, grande surface. Vous avez un besoin, nous avons la solution. Affichez-vous sur Radio Sud et radiosud.net. Bannière, campagne audio, plan communication à des tarifs très attractifs. Contactez Radio Sud Régie au 09 51 63 33 30. 09 51 63 33 30. Radio Sud, yo, yo. La radio urbaine de Besançon. Besançon a enfin trouvé sa radio. Radio Sud. Un soir avec Bendero, j't'ai posé, j'roulais mon bédo, on écoutait midi minuit. Et voilà que t'es passé, même dans le noir t'es brillé. Qu'est-ce que t'étais bien habillé, parfumé comme il fallait. Pour t'avoir j'ai galéré, galéré, galéré, galéré, galéré. Ça le temps est passé, avant-hier j'l'ai embrassé. Oh Maluna, j'te certifie comme Bellucci. Saisis pas mon outil, elle au placard elle m'a écrit. J'me fais plaisir de te la décrire, son innocence me fait sourire. J'suis pas là pour dépenser gros, c'est moi son pansement. Elle mon cœur il lui suffit gros, j'kiffe quoi elle sourit. Son corps c'est une tuerie, ses petites mains elles font craquer. Elle oublie jamais de rappeler moi, j'oublie jamais Hervé. Oh Maluna, j'suis désolé, j'ai tourné, tourné. Toi tu m'as pas oublié, toi tu m'as même mandaté. Oh Maluna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais de chichi, et pour moi t'en as chier. Oh Maluna, c'est toi que je veux, j'te veux que toi. Bah ouais, j'te veux. Oh Maluna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais de chichi, et pour moi t'en as chier. Oh Maluna, c'est toi que je veux, j't'ai dit j'te veux. Bah ouais, j'te veux. Oh Maluna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Je sais pour moi t'en as chier, tu me l'as jamais rappelé. Je me rappelle au placard tes mandats, tes appels. Oh Maluna, je sais que moi t'as fait de la peine. Je me rappelle, ouais Luna, je me rappelle. Les galères, les problèmes, ben des routes, fous la haine. Tu sais même pas pourquoi tu l'aimes, tu récoltes le blé qui sème. Oh Maluna, malgré tout ça t'es encore là. Tu baisses jamais les bras, toi tu croyais en moi. C'était toi qui brillais pas, toi le matin t'étais brillant. Tu t'as fait dur pour que l'argent rentre, moi tu rentres en prison. Devant toi j'ai l'air d'un con, la squad c'est fini les conneries. Au fait ton il me rend fou, tu t'en foutais que j'ai pas de sous. Que des soucis dans les poches, mais Luna lâche pas la perche. Toujours là pour son approche, même sous piche il la respecte. Galant quoi qu'il arrive, pour Luna ça met le gilet. Oh Maluna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais de chichi, et pour moi t'en as chier. Oh Maluna, c'est toi que je veux, j'te veux que toi. Bah ouais j'te veux. Oh Maluna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais de chichi, et pour moi t'en as chier. Oh Maluna, c'est toi que je veux, j't'ai dit j'te veux. Bah ouais j'te veux. Oh Maluna. Oh Maluna. Oh Maluna. Oh Maluna. Oh Maluna. Radio Sud. Besançon. Besançon. 101.8 FM. Squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Treasure, that is what you. Radio Sud. Radio Sud. J'ai mis mon cœur à nu, que fait d'âge, mine d'unique.